est en garde. Qu'est-ce qu'il vous prend, là, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce farinier? Espèce de charbonnier. J'ai l'impression qu'il a demandé cette attention. Méfions-nous. Méfions-nous, on se fasse passer ce fer-là, hein. Est-ce que vous avez la berlue? Tâchons de calmer sa fureur. Pardon, mais j'ai mauvaise vue. On dirait que je lui fais peur. Ah, c'est que je suis le bourreau des crânes. Si je canne, je suis perdu. Un bourreau, toi, je crois que tu ricanes. Si t'aimes ton individu, si t'aimes ton individu. Non, non, non, mon fiston, parle sur un autre ton. Non, non, non, mon fiston, parle sur un autre ton. Pour te procurer une danse, tu n'as pas besoin de violon. Prenons garde qu'on ne s'attroupe. Oh, c'est lui qui canne à présent. Viens donc, que je te trempe une soupe. Merci, merci, la mienne m'attend. Il change de crinière. Grâce, grâce, ou de moi son effet. Que vois-je la rivaudière? Juste ciel, il me connaît. Et moi je suis pomponné. Pomponné. La rivaudière. Pomponné. La rivaudière. Pomponné. Que vous êtes cocasse, sous ce costume-là. Que vous êtes cocasse, sous ce costume-là.